L'alcôve des reines par Jules Baugeoin. Chapitre 1. Comment naquit le beau Dunois et comment mourut son père. Tout le monde sait, à Paris, du moins depuis que l'on a percé la rue aux Ours, où s'élevait jadis l'hôtel des ducs de Bourgogne. Une vieille tour, encore debout, est apparue dans le vide fait par les démolitions, au grand étonnement des Parisiens qui avaient oublié son existence. C'était une tour du château de Jean sans peur. Ce débris du Moyen-Âge est assez défiguré. Il faut beaucoup de mémoire et d'imagination pour se représenter l'ancienne résidence des ducs de Bourgogne, qui, jusque sous Louis XI, furent pour les rois de France des rivaux inquiétants. Qu'il nous suffise de rappeler, sans entrer dans des descriptions archéologiques que l'on trouvera dans Dulaur, que le château était immense, d'aspect menaçant au dehors et plus somptueux à l'intérieur que le palais ou l'hôtel Saint-Paul. À l'hôtel Saint-Paul vivait, en 1400, délaissé, triste et pauvre, le roi Charles VI. Y avait-il quelque bruit, quelque joyeux tapage? Cela ne venait pas du roi, mais de son frère, Louis d'Orléans. Celui-ci, à l'époque où commence notre récit, était un homme d'une trentaine d'années, plus robuste que le roi Charles et d'assez belle mine, plus connu par son luxe et ses scandales que par ses exploits. C'était le digne aïeul de Philippe le Régent et de Philippe Égalité. Transportez un de ces princes au Moyen-Âge et vous aurez Louis Ier. Même esprit délié, ambitieux et ardent, même tempérament de viveur effréné, même intelligence et même dépravation au demeurant. Le meilleur prince du monde, affable, séduisant, généreux et porté à la raillerie. Ainsi, séduire une femme ne lui suffisait point s'il ne mystifiait le mari. Ce défaut lui coûta cher, comme on le verra plus loin. Tout au contraire de lui était son cousin, le duc Jean de Bourgogne, prince ambitieux, violent, mais dissimulé et taciturne. Il aimait les fêtes, mais pour le plaisir de paraître et d'éblouir. Il était aussi prudent en parole que Louis d'Orléans était léger et présomptueux. Aussi ces deux cousins, tout en gardant les dehors d'une vive amitié, éprouvaient-ils l'un pour l'autre une naturelle antipathie. En toute occasion, qu'il s'agît de futilité ou des affaires du royaume, l'esprit de rivalité, chez Jean sans peur, se montrait envenimé de jalousie et éclatait chez le frère du roi en railleries acerbes, en vanteries d'une exagération désespérée. Un jour, à l'hôtel de Bourgogne, dans un dîner qui tournait à l'orgie, Louis, irrité du luxe fastueux étalé par son amphitryon, pensait se rattraper en se vantant de ses bonnes fortunes. Et les contes égrillards et les propos salés allaient leur train. Et les indiscrétions aussi, qui par moments faisaient froncer le sourcil à plus d'un jaloux, ou arrêtaient par une allusion trop hardie le rire sur les lèvres d'un convive. « Par ma foi !» s'écria enfin le duc Jean. « Voilà de belles conquêtes pour un fils de France, car en si haut lieu qu'elles soient faites, qu'en reste-t-il au demeurant ?»« Ce qu'il en reste, » répliqua d'Orléans. « Quelquefois l'amitié d'une dame qui nous est plus profitable que les meilleurs traités de paix. »« Plaisantez-vous, l'amitié d'une... » Il dit le mot. « Celle que vous dites est la femme qui s'adonne aux petits, mais non pas aux princes et galants gentilshommes. »« Mais celle qui trompe son mari trompera son amant. » »« Et qu'elle aura raison, mais elle gardera toujours, si elle est honnête et noble dame, une part de son cœur à qui l'aura le mieux servi. » Comme nous gardons toujours d'elle un cher souvenir. Un souvenir fumé. Ou parfum pénétrant, ou image toujours présente. Franchement, Louis, vous souvenez-vous de toutes les dames que vous avez servies, de la couleur de tous les beaux yeux qui vous ont séduit? Certes, et j'en ai voulu fixer et garder l'image. Où donc cela? Dans de beaux cadres d'ébène et d'or. Des portraits? Sans doute. De toutes les femmes que vous avez aimées, du moins des plus nobles et des plus belles. Vous vous riez de nous. Comment donc auriez-vous fait exécuter toutes ces peintures? Ah, mon cousin, voudriez-vous aussi former une galerie? Oh, moi, le temps me manque, et je ne connais point de peintre assez habile. Cependant, je suis très curieux des ouvrages d'art. Voyez autour de vous ces tapis, ces sculptures, ces bahuts des Flandres, et sur la table ces flacons et ces bassins ciselés. Mais si je vous en crois, vous possédez des ouvrages d'art pour lesquels je donnerais volontiers toute ma vaisselle d'or et toutes mes tapisseries. Ces portraits, ne les verrai-je pas un jour? Le jour qu'il vous plaira. Ce soir. Ouida, ce serait bientôt, mon cousin, car ces portraits sont dans un cabinet où seul je suis entré jusqu'à présent, et d'où nul autre que moi, fût-il mon plus proche parent et mon meilleur ami, ne sortirait vivant. » Ces dernières paroles glacèrent la conversation et jetèrent des doutes fâcheux dans les esprits. Le duc Jean ne les oublia pas, bien qu'il n'eût aucune raison d'être jaloux. De ce jour, il n'eut plus en l'esprit qu'une pensée, qu'un but, voir la collection de portraits de son cousin Louis d'Orléans. Avec sa prudence ordinaire, il n'en laissa rien paraître et se garda d'en rien dire. Il attendit qu'une occasion favorable lui permît de pénétrer secrètement dans ce cabinet, d'où il ne devait sortir vivant. Il aurait pu essayer de gagner quelques domestiques pour satisfaire sa curiosité, mais les gens du duc d'Orléans étaient dévoués à leur maître. Il craignit d'échouer dans sa tentative. Il attendit, mûrissant son dessein avec la patience que donne le pressentiment du succès. Ce temps ne fut pas du temps perdu. Il l'employa à méditer la portée de ses paroles échappées à l'ivresse et vit clair dans les moyens et les ressources des intrigues du duc d'Orléans. Le duc se faisait de ses vices des auxiliaires et de ses maîtresses des amis, des partisans. Cette collection de portraits renfermait donc le secret de toutes ses intrigues et peut-être la clé de sa politique. Louis d'Orléans ne quittait point Paris, mais s'absentait souvent. Le duc Jean avertit un jour qu'il ne devait rentrer chez lui que fort tard, se munit d'un ordre du roi et se rendit chez son cousin. Il fut reçu par la duchesse, Madame Valentine, belle et chaste femme en qui son mari, comme il arrive au plus débauché, avait une confiance absolue. « Madame, lui dit le duc, j'ai des ordres du roi à faire exécuter, mais le roi veut qu'il soit revêtu du sceau de Monseigneur d'Orléans. »« Monseigneur, répondit Valentine, le duc est sorti et ne rentrera que ce soir. » Cependant, l'ordre du roi ne saurait souffrir de retard. Ne pourriez-vous prendre connaissance de ce parchemin et y faire apposer le sceau ? La duchesse prit connaissance de l'ordre du roi et acquiesça à la demande de son cousin. Or, comme l'avait prévu celui-ci, le sceau se trouvait dans le cabinet particulier du duc. Guidé par un secrétaire de Louis, il pénétra dans cette retraite mystérieuse. Un grand nombre de portraits ornaient les murs, il les parcourut tous d'un regard avide et rapide. Le premier qu'il reconnut fut celui d'une belle et noble dame, Marie d'Enghien, dont le mari avait vieilli au service du roi de France, était grand ami de son frère. La dame était jeune, et le peintre avait gardé à ses grands yeux bleus et à son sourire leur expression de candeur. Mais, au second portrait, la surprise du duc devint de la stupéfaction. C'était celui de sa noble épouse, Marguerite, fille d'Albert de Bavière, comte de Hainaut et de Zélande, une dame dont le renom de vertu n'avait d'égal que le renom de beauté, dont la vie exemplaire était l'honneur de sa maison, une sainte. Devait-il en croire ses yeux et les ventries de Louis d'Orléans ? Tout son être se révoltait à cette idée, mais certains détails de toilette fixaient une date à ce portrait et rappelaient au duc un voyage qu'il avait fait en Bourgogne. Il ne douta plus de son malheur. Il s'éloigna, dévorant sa rage et déjà couvant sa vengeance. À peine rentré chez lui, il se composa un visage insoucieux et se rendit chez sa femme. Elle venait de se lever et était assise au milieu de ses filles d'honneur, occupées de sa toilette. L'une tenait le miroir, l'autre fixait sous des épingles d'or les longues tresses de sa chevelure blonde. Une troisième, accroupie à ses pieds, fouillait un écrin, faisant ruisseler entre ses doigts les colliers et les bracelets, les diamants et les émeraudes, les rubis et les perles. Tout d'abord, le duc lui fit compliment sur sa beauté. Jamais, en effet, son teint n'avait eu plus de fraîcheur et d'éclat. Et les regards du duc farouche s'écartèrent, éblouis par ses blanches épaules et à demi séduits par ses yeux chargés de langueur. « Mamie, ajouta-t-il, puisque l'heure me favorise, je veux moi aussi prendre part à ces soins plaisants de votre toilette. C'est moi qui vais choisir vos bijoux et vos robes pour aujourd'hui. Comptez que j'ai la mémoire de ce qui vous va le mieux et que je m'y connais autant que vos demoiselles. Tenez, vous rappelez-vous une robe de satin bleu de ciel, parsemée de fleurs d'argent ? Non, duc, je ne me la rappelle pas. Vous la portiez le jour où vous êtes venu à ma rencontre. Je revenais de Bourgogne, et je vous avais fait présent de cette robe quelques jours avant mon départ. Un sourire mystérieux erra sur les lèvres de la duchesse. « Ah oui, dit-elle, je me souviens, je ne l'ai portée que deux fois. » « Eh bien, vous la mettrez aujourd'hui, mamie, et ce sera la seconde fois que je vous la verrai. » Une des filles s'empressa d'aller chercher la robe, et quand la duchesse s'en fut parée, « À cette heure, dit le galant mari, venons aux bijoux. » Il prit un coffret et en tira un long collier de perles. « N'était-ce pas ce collier que vous portiez aussi ?»« C'est un présent du roi. La croix en est, fleur de lysée. » « En vérité, fit le duc, avec un rire mauvais, vous êtes aux armes des Valois. » Mais sa main tremblait en essayant d'ouvrir le collier. « Ah, j'ai la main trop rude, dit-il, et je le briserai. » La duchesse le lui prit des mains et remarqua alors que sa gaieté n'était pas franche. Elle redouta quelque orage et congédia ses filles d'honneur. À peine avait-elle sa parure que son mari, qui s'était reculé de quelques pas, l'enveloppant d'un regard où flamboyait la haine, s'écria « C'est bien elle !»« Et de qui donc voulez-vous parler, monseigneur ?» demanda Marguerite, effrayée. « Je veux parler, dit le mari, de la belle et noble fille que je demandais il y a quelques années à peine à l'électeur de Bavière pour en faire la duchesse de Bourgogne. De cette chaste fille dont le beau corps dessinait à mes yeux, sous la soie, sa robuste élégance, et que je jugeais digne de porter les héritiers de ma race et de mon nom. Et je me dis, en vous regardant, c'est bien elle, c'est bien cette beauté, cette chasteté, cette noblesse. On la croirait encore à cette heure telle qu'elle était alors, telle qu'elle était il y a 2 ans encore. Et cependant, c'est bien aussi, sous cette robe bleue, avec ce collier de perles, la femme qui s'est livrée et a livré mon honneur à Louis d'Orléans. « Ah !» s'écria la duchesse, « l'infâme ! Il m'a perdue !» Et défaillante, elle se laissa tomber à genoux. Jean, en quelques paroles, lui apporta les propos de son cousin d'Orléans et la découverte de ses portraits. « Et maintenant, ajouta-t-il, vous pensez bien, madame, qu'une telle trahison réclame son châtiment. Mais je ne veux pas de scandale. Tout restera secret, et la mort m'assurera du silence de ce traître et du vôtre. » Elle se mit à pleurer et à implorer grâce. C'était la seule faute qu'elle eût commise. Elle était jeune, elle avait été surprise et violentée, mais elle s'était repentie. Enfin, elle se retirerait près de sa mère, en Bavière. Mais sa voix, qui par moments s'élevait trop haut, importunait le duc. « Silence ! Lui dit-il, cessez ces lamentations, et pas un mot à vos filles de service. Comptez que vous serez épiés, et que je veux tenir secret mon déshonneur. » Il s'éloigna. La duchesse, sans oser rappeler ses femmes, quitta cette robe et ce collier qui lui était odieux. Elle croyait sentir à travers les murs les regards des espions, et tressaillait au moindre bruit. Dans le courant de la journée, elle appela une de ses demoiselles et demanda à voir ses enfants. Les enfants étaient à la promenade. La demoiselle connaissait la violence sournoise du duc. Elle ne questionna point Marguerite, dont elle remarqua les paupières rougies par les larmes et le teint défait, mais elle lui demanda si elle ne désirait rien prendre. « Si, dit la duchesse, j'ai grand soif. » Presque au même instant, et comme si ses paroles eussent été entendues, un page entra portant un plateau garni d'une coupe et d'une aiguière. Elle se recula, effrayée. « Vous avez demandé à boire, madame, dit le page. » La demoiselle remplit la coupe d'une eau limpide et la tendit à sa maîtresse. « Dieu soit avec nous, » dit celle-ci. Elle porta la coupe à ses lèvres d'une main tremblante. Mais à peine eut-elle bu que le sang se glaça dans ses veines. Elle chancela, voulut parler et tomba mourante dans les bras de sa demoiselle d'honneur. Au cri de cette dernière, tout le monde accourut et le duc, un des premiers. « Ah ! » fit-il d'un air atterré, « quel coup funeste ! Nous perdons la plus gentille et la plus vertueuse dame de la chrétienté. » Mais, au fond, une voix lui criait « Et maintenant, à l'autre !» Au lendemain des splendides funérailles de la duchesse, Jean sans peur se rendit chez un personnage avec lequel il n'avait jamais entretenu de relation, mais dont il comptait depuis quelques jours faire son ami et son allié le plus fidèle. Nous voulons parler du seigneur d'Enghien, le mari de la jolie femme dont le duc avait tout d'abord remarqué le portrait dans le cabinet de son cousin. Ce gentilhomme, qui était un des plus vaillants chevaliers de son époque, s'était marié un peu tard à une demoiselle de bonne noblesse française et d'une rare beauté, mais de peu de fortune, à qui, par amitié autant que par galanterie, il désirait laisser ses biens, car il était fort riche. Il en avait été récompensé par la naissance d'un enfant dont M. Louis d'Orléans avait voulu être parrain. Ce bon mari vivait depuis fort retiré, et la visite du duc, qu'il ne pouvait croire de ses amis, l'étonna fort. Mais le duc fit comme s'il était venu par hasard et en passant, et tout d'abord mit la conversation sur les sujets frivoles de la cour, autrement dit les joyeusetés du frère du roi, car le roi, lui, ne riait guère. Le vieillard, comme tout ancien homme de guerre, ne détestait pas les bons contes. Il en fit un qu'il trouvait fort plaisant. « Vous savez comme moi, lui dit-il, que votre cousin d'Orléans est le plus grand débaucheur de femmes qui ait été. »« Oui, messire, répondit le duc. » Et, reprit le vieillard, qu'il s'adresse de préférence aux dames de la cour et aux plus grandes. Le duc fit un signe affirmatif. « Ce n'est pas que je l'approuve, reprit d'Enghien, qui ne voulait pas être désagréable au duc. Je laisse à de plus jeunes que moi d'excuser ou d'approuver ses folies. Mais puisque nous parlons de lui... « Parlez, je vous en prie, répondit le sournois bourguignon. Et à part lui, il se disait, moi aussi, j'ai mon histoire, et rira bien qui rira le dernier. » Cela remonte à près de 2 ans. Je voyais alors le duc Louis très souvent en son hôtel, et très souvent aussi il m'honorait de ses visites. Et ses relations étaient si familières que même il nous arrivait de nous croiser en route sans le savoir. Et aussi j'allais pour le voir quand déjà il arrivait chez moi. Il patientait volontiers à attendre mon retour, tandis que moi, de mon côté, par courtoisie et par déférence qui est bien due à un si grand prince, je l'attendais à son hôtel. Mais ces détails sont sans intérêt pour vous. « Ils m'intéressent plus que vous ne sauriez croire, » répondit le duc. « Je voulais vous marquer par là les grandes privautés que m'avait accordées Monseigneur d'Orléans. Ainsi, j'allais chez lui à toute heure du jour, certain d'y trouver bon accueil. Or, un matin, n'ayant rencontré ni garde ni valet dans la salle qui précède sa chambre, j'entrai sans l'en prévenir, et brusquement, le duc était encore au lit. » À mon entrée, fort inattendue, quelqu'un poussa un cri d'effroi, ou plutôt, quelqu'une. Vous comprenez? Parfaitement. Vous avez reconnu la voix? Non. D'ailleurs, la dame n'avait point parlé, mais jeté un cri, presque aussitôt couvert par la voix du duc, qui s'était mis à rire. Très bien. Je m'empressai de me retirer. Restez, restez, me cria le duc, qui déjà était hors du lit. Je rentrai, et aussitôt monseigneur, tirant le linceul, en couvrit le visage de la dame. « Maintenant, reprit-il en riant, l'honneur est sauf, et vous pourrez voir la plus belle femme que vous vîtes jamais, mais défense de toucher au linge du visage sous peine de la vie. » Je ne pouvais me défendre de voir la beauté que le duc exposait ainsi à mes regards, et je lui avouai que jamais je n'avais vu une dame aussi belle. Puis le duc me bailla congé de sortir de sa chambre, ce que je fis sans jamais avoir pu connaître le visage et le nom de cette dame, et sans en parler à personne, si ce n'est cependant à Mariette, ma femme, le soir, pour voir si elle serait jalouse. Et que dit votre femme? Ah, grand Dieu, que me dites-vous là? Que c'est vilain de la part du duc d'avoir fait cela. Maintenant que vous avez vu une dame si belle, vous aurez moins d'amitié pour moi, et vous me trouverez laide. Et elle me gronda fort. « J'en ai déjà entendu le conte, » répondit Jean sans peur. « Ah ? » fit d'Enghien, avec un étonnement naïf. « Oui, et de mon cousin lui-même, dans un dîner à l'hôtel de Bourgogne. Seulement il ajoutait, avec ce joyeux rire que vous connaissez, la pauvre dame eut grand-peur, car c'était son mari. » À cette révélation, le front jaune et ridé du vieux d'Enghien se colora de pourpre. Ses regards sondèrent les yeux de Jean sans peur. Mais celui-ci avait dit la vérité, et toute la vérité, et en attendait froidement le résultat. « Vous doutez ? » reprit-il. « Ah, comment ne pas douter ? » répondit le mari. « Croyez-vous que je vous trompe ? » ?»« Non, mais je crois que vous vous trompez. » »« Eh bien, vous avez un moyen de vous assurer du fait, cher seigneur. » »« Lequel ? » ?»« Louis ? » Il avait sur les lèvres l'histoire de la galerie de portraits. Mais il hésita à faire la preuve de son propre déshonneur en faisant celle du déshonneur d'autrui. « Louis peut répéter ce propos, et vous pouvez l'entendre en vous tenant derrière une tapisserie. Je vous en fournirai les moyens si vous le désirez. » D'Enghien parut réfléchir, puis, secouant sa tête blanche, « Non, dit-il, de tels manèges sont indignes de nous. Mais si vous m'avez trompé, que son sang retombe sur vous. » « Par le salut de mon âme, dit le duc, ce que je viens de vous apprendre est la vérité, mais je ne voudrais pas être la cause de quelque justice domestique, et je vous recommanderais de prendre en pitié votre jeune femme, Marie, et de lui pardonner. Elle n'est pas la plus coupable. »« Eh, je n'ai point parlé d'elle. » »« Cependant, quel sang songez-vous à verser ?»« Celui du plus coupable. » »« Le duc ?»« Oui, Louis d'Orléans. » »« Le frère du roi ?» Qui trahit le roi pour Isabeau de Bavière, qui pille le trésor pour son luxe et ses débauches. Oui, Louis d'Orléans. « Touchez-la, messire, » dit le duc en se levant et en tendant la main au vieillard. « Votre haine est la mienne. Moi aussi, j'ai à me venger de Louis d'Orléans, et je vous mettrai bientôt à même de vous faire justice. » D'Anguin mit sa main dans celle de Jean sans peur. « Je sais que vous le haïssez, » dit-il. « Hier, j'aurais été avec lui, contre vous. Aujourd'hui, je suis avec vous, contre lui. » Vous arrivez à l'heure que j'ai marquée à ses nombreux ennemis, à tous ceux dont il a lassé la patience ou trahi l'amitié. Chez moi, la haine est ancienne. Je la tiens par héritage de mon père Philippe, et depuis longtemps je guette l'occasion de l'assouvir. Je vous le répète, messire, l'heure va sonner, mais ne laissons rien paraître. Sachons déguiser sous des dehors insouciants le dessein que nous portons. Point d'éclat. Réservez à d'autres jours ce que vous avez à dire à votre femme. Car il serait averti. Nous sommes déjà plus de 10 dans le complot, et nul conjuré ne connaît d'autre ami que moi. Ainsi, nous sommes assurés du secret jusqu'à la minute suprême où il devra tomber sous nos coups. Il est assez imprudent pour se livrer, et, le duc mort, nous n'avons rien à craindre. Il est détesté des bourgeois de Paris, méprisé des seigneurs de son parti. Il a pour lui le roi Charles et la reine, il est vrai, mais le roi est faible, Isabeau a trop de peine à se défendre elle-même pour ne rien entreprendre contre nous. « Oh, monseigneur !» fit d'Anguin, qui, absorbé dans son chagrin, le laissait dire sans lui prêter grande attention. « Quand j'ai mon honneur à venger, je ne m'occupe pas de ce qui peut résulter de ma conduite. Puissais-je vivre seulement assez de jours pour voir le traître expirer sous mes coups ?»« Quant à cela, » conclut Jean sans peur, en se levant pour se retirer, « vous pouvez être tranquille. » Le jour de votre vengeance est prochain, et vous pouvez vous en remettre à moi pour le choisir. Je vous le répète, ce n'est pas d'aujourd'hui que j'y songe. » Sur ces paroles, les deux nouveaux amis se séparèrent. En effet, déjà depuis plusieurs années, Jean sans peur s'occupait de choisir les instruments de sa haine. Il ne fallait plus au meurtre que l'occasion. Les poignards étaient prêts. Il avait recruté quelques-uns de ces derniers parmi ses serviteurs les plus fidèles. Mais des ennemis implacables et braves tels que le vieux d'Anguin n'étaient pas à dédaigner. Celui-là ne faiblirait pas, le moment venu. Puis, il fallait tout prévoir, et le duc de Bourgogne était de ces politiques qui prévoient tout. Si le complot échouait, si d'Orléans survivait à l'attentat, son cousin pouvait se disculper et dire que les ennemis n'appartenaient pas au parti de Bourgogne, mais au grand parti de tous les gens de cœur, outragés, et que parmi eux se trouvaient même d'anciens et honorables amis du frère du roi. Quant à lui, Jean sans peur, il devait se tenir à l'écart, diriger, mais non prendre part, à la sanglante besogne. De son côté, le sire d'Anguin, depuis la cruelle révélation qui lui avait été faite, ne vivait plus que dans l'espoir et l'attente de sa vengeance. Dire ce qu'il souffrait serait difficile. L'infortuné accusait la jeune femme à qui il avait confié l'honneur de son nom et de ses cheveux blancs. Il aimait cet enfant qu'il avait cru le sien et qui commençait à bégayer le nom de père. Il était obligé de dissimuler à la femme, à l'enfant lui-même, les sentiments qu'il éprouvait. De crainte de rencontrer le duc d'Orléans, son maître, il ne sortait plus de son hôtel. Au repas, à son réveil, à son coucher, il se trouvait comme d'habitude avec sa femme et devait recevoir ses caresses, les innocentes caresses de l'enfant, et y répondre, le cœur brisé. Ne pensa-t-il point à faire périr la femme ? Nous n'en répondons point. Il est probable que l'âge si tendre de l'enfant le désarma. Les vieillards sont faibles pour les enfants. Quelques jours se passèrent sans que Jean sans peur fasse rien transpirer de son dessein. Il affectait, au contraire, dans ses relations avec son cousin, le désir de vivre en bonne intelligence. Ce qui surprenait les bons bourgeois de Paris et les affligeait même, car ils n'aimaient pas Louis d'Orléans. Ils espéraient que le rabot que le duc de Bourgogne avait pris pour devise aurait raison du bâton noueux que le frère du roi avait pris pour emblème de sa politique. Pour cimenter ce bon accord entre les deux cousins, Charles VI les invita à dîner à Saint-Paul, le 27 novembre. Jean de Bourgogne et Louis d'Orléans, après avoir entendu la messe et communié ensemble, prirent place à la table royale, et la journée se passa en gais propos. Jean sans peur évita de parler de ses richesses et Louis de se vanter de ses bonnes fortunes. Tous deux s'étaient séparés en apparence les meilleurs amis du monde. Le soir, vers 8 heures, un page vint prévenir Louis de la part de la reine que le roi désirait l'entretenir. Il sortit aussitôt, précédé de quelques valets de pied portant des flambeaux. Il faisait du brouillard, et la lueur rougeâtre des flambeaux servait à peine à se guider dans les ténèbres épaisses où la ville était plongée. Comme le duc et son escorte arrivaient rue Barbette, des hommes apostés près de l'hôtel Notre-Dame se ruèrent sur eux en criant « À mort ! À mort !» Les valets, surpris, culbutés, prirent la fuite. Un seul, nommé Jacob, se jeta devant son maître pour le défendre. Mais les assaillants étaient au nombre de 18. « Je suis le duc d'Orléans !» s'écria Louis. « Tant mieux, c'est lui qu'il nous faut !» répliquèrent les assassins en le perçant de coups. « Qu'est ceci ? D'où vient ? » criait-il encore, quand un nouvel assaillant sortit inopinément d'une maison voisine, la tête enveloppée de son chaperon, une masse d'armes à la main, se fraya un passage jusqu'au prince. « Est-il mort ? » demanda-t-il. On apporta un flambeau. Louis d'Orléans gisait dans la boue et le sang, mais respirait encore. À la lueur du flambeau, les deux ennemis se reconnurent. Le duc voulut parler, mais l'homme au chaperon ne lui en laissa pas le temps, et de sa masse de fer lui porta le coup de grâce. Quel était cet homme ? L'histoire ne le dit point. C'était sans doute ou Jean sans peur ou d'Enghien. Le lendemain, il y eut grand émoi dans Paris, mais non grand deuil. D'Orléans était détesté. Jean sans peur assista au convoi. Il porta même un coin du drap mortuaire en affectant la plus profonde affliction. Personne n'en fut dupe. Le soir des funérailles, un conseil fut tenu par le roi, en son hôtel, auquel le duc de Bourgogne assista encore, mais après avoir eu soin d'armer toute sa maison, car il craignait d'être retenu prisonnier. Le conseil avait pour objet l'assassinat de la rue Barbette. Accusé indirectement, mais obligé de protester de son innocence, il sentit le mensonge l'étrangler au passage, et la rougeur de la honte lui montait au front. Alors, il ne se défendit point, il n'avoua même pas. Il déclara hautement qu'il était l'auteur du meurtre. Puis, profitant de la stupeur dans laquelle son audace avait plongé ses auditeurs, il sortit du conseil. Cependant, lorsqu'il fut hors de l'hôtel Saint-Paul, il comprit qu'il venait de jouer gros jeu. Il avait provoqué le roi dans sa douleur et sa dignité. Et si Charles était faible, dénué de toute énergie, derrière lui était Isabeau, l'ancienne maîtresse de Louis d'Orléans. Il crut prudent de fuir. Quant au sire d'Enghien, il renia pour son fils, l'enfant de Mariette, son épouse infidèle. Et cet enfant fut plus tard ce vaillant bâtard d'Orléans, le comte de Dunois, le soutien de la France et le fléau de l'Angleterre.